إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنواصل قراءتنا بإذن الله تبارك وتعالى في كتابنا المسمى بالقواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. Après avoir loué notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et lui avoir demandé aide et assistance, nous continuons la lecture de notre épître intitulée Les belles règles concernant l'exégèse du Coran, concernant l'explication des sens du Coran. Du noble Cheikh Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah. Nous continuons donc avec une autre règle citée par l'auteur, rahimahullah, qui concerne les moyens empruntés par le Coran pour ordonner aux croyants de se soumettre aux ordres religieux. Les moyens empruntés par le Coran pour ordonner aux croyants de se soumettre aux ordres religieux. C'est-à-dire les moyens utilisés dans le Coran à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala appelle les croyants à accomplir les ordres et à délaisser les interdits. Donc l'auteur rahimahullah ici va nous citer plusieurs moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise dans le Coran qui ont pour but d'inciter et d'appeler les croyants à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières. L'auteur nous dit rahimahullah: certes, Allah a ordonné d'appeler à son sentier de la meilleure des manières, et par le moyen le plus court permettant d'obtenir le but souhaité. Et il n'y a aucun doute que les moyens empruntés par Allah pour inviter les croyants à se soumettre aux ordres religieux sont les meilleurs et les plus proches du but. Et la majorité des moyens par lesquels Allah incite les croyants à accomplir le bien et à délaisser le mal se fait à travers la caractéristique par laquelle il leur a fait grâce, qui est l'Iman, la foi. En disant « Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, faites telle ou telle chose ou délaissez telle ou telle chose. » Donc, le premier moyen que l'auteur nous cite, rahimahullah, se fait par l'appellation qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux croyants lorsqu'il leur ordonne d'accomplir un bien ou lorsqu'il leur interdit d'accomplir un mal. Cela en disant « Ô vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu. » Et l'auteur rahimahullah nous cite ici que cela est le moyen le plus fréquent utilisé dans le Coran. Ensuite l'auteur nous dit rahimahullah: cela, donc cette appellation-là, contient une invitation à se soumettre aux ordres d'Allah de deux points de vue. Donc l'auteur rahimahullah va nous citer deux intérêts découlant de cette appellation. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant d'ordonner aux croyants d'accomplir un bien ou avant de leur interdire d'accomplir un mal, les appelle par le nom de la foi, en leur disant « Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. » Il nous dit rahimahullah: quant au premier des points, il est que cela incite les croyants à accomplir ce qu'implique cette foi. À accomplir ce qu'implique cette foi. Et ce qu'elle a comme condition et ce qui vient la compléter. Comme s'il leur disait, subhanahu wa ta'ala, ô vous qui avez cru, accomplissez ce qu'implique votre foi, comme soumission aux ordres, comme délaissement des interdits, comme adoption de tout comportement louable et comme délaissement de tout comportement vil. Car cela est ce qu'implique la réelle foi. Donc, comme si Allah subhanahu wa ta'ala informait que la foi ne pouvait être complète sans l'accomplissement de tel acte ou sans le délaissement de tel acte. Donc voici le premier des points que l'on tire de cette appellation. Quant au deuxième point, il est qu'en les appelant par le nom de la foi, il leur rappelle le bienfait qu'il leur a accordé, qui est le bienfait de la foi. Donc c'est comme s'il leur disait subhanahu wa ta'ala: ô ceux dont Allah a fait grâce de la foi, soyez reconnaissants face à ce bienfait, en accomplissant tel ou tel acte, ou en délaissant tel ou tel acte. Donc, dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala invite les croyants et les appelle par le nom de la foi en disant « Ô vous qui avez cru, ya ayyuhal ladhina amanu » nous avons premièrement une invitation à compléter ce qu'implique la foi, de manière apparente et cachée. Donc, comme l'a cité l'auteur, rahimahullah, cela est comme si Allah subhanahu wa ta'ala leur disait « Ô vous qui avez cru, accomplissez ce qu'implique cette foi, en faisant tel ou tel acte ou en délaissant tel ou tel acte. » Deuxièmement, nous avons dans cela une invitation à être reconnaissant face aux bienfaits de la foi. Et un détail de la manière dont se fait cette reconnaissance, c'est-à-dire en accomplissant tel ou tel acte ou en délaissant tel ou tel acte. Comme l'a cité l'auteur, cela revient, cela est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous disait « Ô vous, ô ce dont Allah a fait grâce de la foi, soyez reconnaissant face à ce bienfait, en accomplissant tel ou tel acte ou en délaissant tel ou tel acte. » Ensuite l'auteur rahimahullah nous dit « Et parfois, Allah invite les croyants au bien et leur interdit d'accomplir le mal en citant les bienfaits et bonnes conséquences découlant de ce bien, tant dans ce bas monde que dans l'au-delà, ou en citant les méfaits et les mauvaises conséquences découlant de ce mal, tant dans ce bas monde que dans l'au-delà. » Donc la deuxième des manières que l'auteur nous cite, rahimahullah, est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à certains moments, ordonne les croyants d'accomplir un acte. Et il associe subhanahu wa ta'ala à cet acte les bienfaits qui vont découler de cet acte. Et à certains moments, Allah subhanahu wa ta'ala interdit les croyants d'accomplir un acte et il associe à cette interdiction les maux et les méfaits qui vont découler de cet acte. Cela comme dans sa parole subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit d'après l'essence du verset. Quiconque accomplit des œuvres pieuses, mâles ou femelles, tout en étant croyant, alors nous lui ferons vivre une bonne vie. Donc alors nous lui ferons vivre une bonne vie. Et dans l'au-delà, il nous dit subhanahu wa ta'ala, et nous le rétribuerons du meilleur de ce qu'ils œuvraient. Et nous les rétribuerons du meilleur de ce qu'ils œuvraient. Et cela comme dans sa parole aussi subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit d'après le sens du verset. Et quiconque craint Allah, Allah lui accordera une issue favorable et lui accordera sa subsistance de là où il ne s'y attend pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi à propos du mal et de ses mauvaises conséquences, d'après l'essence du verset. Et certes, quiconque accorde un associé à Allah, alors le paradis lui sera interdit. Et nous dit, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset, n'associe pas une autre divinité à Allah, sinon tu te trouveras blâmable et abandonné à toi-même. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, nous passe au troisième des points. Il nous dit, et à certains moments, il invite les croyants à se soumettre aux ordres religieux en leur rappelant les nombreux et différents bienfaits qu'il leur a accordés. Et donc, qu'il incombe qu'ils soient reconnaissants face à cela en accomplissant ce qu'implique la foi. Donc ici, le point est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à certains moments, dans le Coran, nous cite les bienfaits qu'il a accordés aux serviteurs. L'auteur, rahimahullah, nous fait comprendre que cela fait partie des moyens à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à nous soumettre à ses ordres et à délaisser ses interdits. Car le fait de reconnaître ses bienfaits implique que le croyant sache qu'il doit être reconnaissant face à cela. De quelle manière? En accomplissant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et en délaissant ses interdits. Cela comme dans sa parole subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit d'après l'essence du verset. Ô gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux d'avant vous. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui qui a fait de la terre pour vous un lit et du ciel un toit, et qui a fait descendre des cieux une eau par laquelle il a fait sortir pour vous des fruits comme subsistance. N'accordez donc pas d'égo à Allah alors que vous savez. C'est-à-dire que vous savez qu'il est le seul à vous avoir accordé ses bienfaits. Donc cela implique que le croyant se reconnaissant. Cela en se soumettant aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, lorsqu'il priait de longues nuits, jusqu'à ce que son épouse, radiyallahu anha, le questionne face à cela. Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Donc le fait de se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des moyens d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite l'auteur nous dit, rahimahullah, et parfois il les invite en les poussant à la peur ou à l'espoir, en citant ce qu'il a préparé comme récompense pour les obéissants et comme châtiment pour les désobéissants. Donc, en citant les récompenses et les châtiments qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparés pour les obéissants et pour les désobéissants. Cela comme dans sa parole subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit, d'après l'essence du verset, à propos du paradis, U'iddat lil muttaqin, préparé pour les pieux. Ou dans sa parole subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset, aucune âme ne sait ce qui leur a été caché comme délice en récompense de ce qu'ils œuvraient. Ou comme dans sa parole subhanahu wa ta'ala à propos des gens de l'enfer, d'après l'essence du verset. Et ils seront abreuvés d'une eau brûlante qui déchirera leurs entrailles. Donc, dans les versets où Allah subhanahu wa ta'ala cite les récompenses accordées aux obéissants et le châtiment préparé pour les désobéissants, il y a une invitation à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, et parfois, il invite les croyants à se soumettre aux ordres religieux en citant ce qu'ils possèdent comme nom et attribut de perfection, et ce qu'ils possèdent comme droit immense sur ses serviteurs, et que le droit qu'ils possèdent sur ses serviteurs est qu'ils se soumettent à lui d'une servitude complète, de manière apparente et cachée, et qu'ils l'invoquent et l'adorent de par ses noms et attributs parfaits. Car, certes, toutes les adorations sont une manière de glorifier et immensifier Allah et de rechercher son amour et sa proximité. Donc le point que l'auteur nous cite ici, rahimahullah, est que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite à plusieurs moments sa grandeur, son immensité, et nous cite ses noms et attributs. Et l'auteur nous cite, rahimahullah, que cela est un des moyens à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à nous soumettre à ses ordres et à délaisser ses interdits. Car celui qui a cette grandeur, cette immensité, celui qui a cette perfection, mérite et a comme droit le fait que ses serviteurs se soumettent à ses ordres et délaissent ses interdits. Cela comme dans sa parole subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset. Et à Allah seul appartient les noms les plus beaux. Invoquez-le donc par ceci. Donc invoquez-le donc par ses noms parfaits. Subhanahu wa ta'ala. Et comme dans sa parole d'après l'essence du verset. Et ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre tout entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, nous dit, et parfois, il les appelle à se soumettre aux ordres religieux pour qu'ils puissent le prendre lui seul comme allié, comme refuge, comme lieu de retour en tout moment. Et il informe que cela est la base du bonheur du serviteur, de sa réforme et de sa réussite. Et il informe que si le serviteur n'entre pas dans l'alliance à Allah seul, alors ce sera son ennemi, Shaytan, qui prendra son alliance. Cet ennemi qui ne lui veut que mal et tristesse. Cet ennemi qui le trompe, lui donne des faux espoirs et le fait passer à côté de tous ses intérêts. Cet ennemi qui le fait tomber dans la perdition. Et tout cela est détaillé dans le Coran à travers différentes expressions. Donc le point qui suit est qu'Allah subhanahu wa ta'ala invite les croyants à se soumettre à ses ordres par le fait qu'il informe que cela mène à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les prenne seuls comme alliés. Donc à ce que les croyants, à travers cela, obtiennent l'alliance d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et que cela est la base de leur bonheur, de leur réussite et de leur réforme. Cela comme dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit d'après l'essence du verset. Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et quant à ceux qui ont mécru, leur allié est le Tawarut, qui les fait sortir de la lumière vers les ténèbres. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Et cramponnez-vous à Allah, il est votre allié. Et quel bon allié est-il? Et quel bon défenseur? Et quel bon allié est-il? Et quel bon défenseur? Donc ici, nous voyons clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat et de se cramponner à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il informe après cela qu'il est l'allié des croyants. Donc cela vient confirmer les dires de l'auteur rahimahullah quant au fait que cela fait partie des moyens à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala invite les croyants à se soumettre à ses ordres et à délaisser ses interdits. Et pour finir, l'auteur rahimahullah nous dit, et à certains moments, il invite les croyants à se soumettre aux ordres religieux en les mettant en garde quant au fait de ressembler aux associants, ou ceux qui se sont détournés, ou ceux des communautés précédentes qui ont modifié leur religion. Donc, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, à certains moments, blâme certaines personnes et blâme certains actes. Et donc, que cela a pour but de pousser les croyants à se soumettre à ses ordres, pour ne pas que ce blâme les rejoigne. Cela comme dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, qui par la suite les a oubliés. Ou comme dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset. N'est-il pas venu le moment que les cœurs des croyants s'humilient à l'invocation d'Allah et devant ce qui a été descendu comme vérité, et qu'ils ne soient pas comme ceux à qui le livre fut donné avant eux? Ceux-ci trouvèrent le temps long, et leurs cœurs s'endurcirent, et beaucoup d'entre eux sont pervers. Donc, par cela, nous finissons et nous concluons notre lecture en demandant Allah subhanahu wa ta'ala aide et assistance quant à la compréhension et la mise en pratique de ce qui a été lu. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.